السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الحافظ أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله، الحديث الرابع والعشرون، le 24e حديث، D'après Abu Dharr al-Ghifari, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il rapporte de son Seigneur Azza wa Jal qui a dit, Allah a dit, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je vous l'ai rendu interdit entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, chacun d'entre vous est égaré, sauf celui que je mène dans le droit chemin. Demandez-moi donc que je vous mène au droit chemin, et je vous y mènerai. Ô mes serviteurs, chacun d'entre vous est affamé, sauf celui que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir, et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, chacun d'entre vous est nu, sauf celui que j'habille. Demandez-moi donc de vous habiller, et je vous habillerai. Ô mes serviteurs, vous péchez de nuit comme de jour, et moi je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, et je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, en vain feriez-vous des efforts pour réussir à me nuire, et en vain pour réussir à m'être utile. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre vous, homme ou djinn, vous étiez aussi pieux que l'est celui au cœur le plus pur d'entre vous, cela n'ajouterai rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre vous, homme ou djinn, étiez aussi pervers que ce que l'est celui d'entre vous au cœur le plus pervers, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, homme ou djinn, vous teniez dans une seule région de la terre pour solliciter mes faveurs, et si j'accordais à chacun de vous sa demande, cela n'amoindrirait en rien ce que je possède. Pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit à l'océan en y pénétrant. Ô mes serviteurs, ce sont vos actes seulement dont je tiendrai compte. Ensuite, je vous rémunérerai d'après ceci. Donc, celui qui trouve le bien, qu'il fasse les louanges à Allah, et celui qui trouve autre chose, qu'il ne blâme que sa personne. Rapporté par Muslim. هذا الحديث مما يسميه أهل الحديث حديث قدسي. Donc ce hadith que nous avons entre les mains fait partie de ce que les savants du hadith appellent حديث قدسي, c'est-à-dire un hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam impute directement à Allah subhanahu wa ta'ala, et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala parle à la première personne. Donc comme nous l'avons vu dans ce hadith. Et ce hadith, donc, contient plusieurs masaïls. Premièrement, l'interdiction de l'injustice, al-dhulm. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'injustice des créatures les unes envers les autres. Inni harramtu dhulma ala nafsi, fala tadhalamu, wa ja'altuhu muharraman baynakum, fala tadhalamu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux créatures d'être injustes les unes envers les autres, comme il s'est interdit subhanahu wa ta'ala à lui-même l'injustice. Donc que cette injustice soit dans l'honneur des créatures fi irdihim, ou bien dans leur sang fi damihim, ou bien dans leur bien. Tout comme il a subhanahu wa ta'ala aussi interdit aux créatures d'être injustes envers leurs propres âmes, cela par l'accomplissement des péchés et le délaissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, nous tirons de ce hadith l'obligation et le besoin immense et l'importance de la demande de guider Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie des choses les plus importantes que le serviteur doit constamment rechercher et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, la demande de la guider et de l'éclaircissement du droit chemin. Et cela, quel que soit son degré de piété ou de droiture. Parmi ce qui nous prouve cela, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est obligé à tout musulman, homme, femme, qu'il soit pieux ou qu'il soit pervers, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala cette guidée au minimum 17 fois par jour. Et cela, dans sa parole subhanahu wa ta'ala, qui est obligatoire dans chaque unité de prière, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Donc cette demande qui englobe tout type de guidée. Donc le serviteur à travers cela demande à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer premièrement le chemin de la vérité, cela de par la science et la connaissance de celui-ci. Ce qui est appelé Hidayatul Irshad, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre le droit chemin à la personne, lui montre la vérité, lui accorde la connaissance. Mais cette guidée ne suffit pas pour que le serviteur soit réellement guidé, car s'il n'œuvre pas par cela, cette connaissance sera une preuve contre lui. C'est pour cela que lorsqu'il dit Ihdina sirat al-mustaqim, il demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala en même temps de lui permettre d'œuvrer avec cette science. D'œuvrer avec cette science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée. Donc qui est appelé Hidayatut Tawfiq, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en plus d'avoir montré le chemin au serviteur, lui permette d'œuvrer avec celui-ci. Donc cela afin de ne pas faire partie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont El Mardoubi alayhim, qui englobe toute personne qui connaît la vérité, mais s'en détourne et n'œuvre pas avec celle-ci. À leur tête, El Yahoud. Tout comme le serviteur demande à travers sa parole Ihdina sirat al-mustaqim à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir sur ce chemin, car la personne peut être guidée aujourd'hui et être égarée le lendemain. Donc à travers sa parole Ihdina sirat al-mustaqim, il demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir sur ce droit chemin jusqu'à le rencontrer subhanahu wa ta'ala. Tout comme il lui demande aussi d'augmenter sa connaissance, d'augmenter les détails de la foi, les détails de l'islam pour pouvoir cheminer sur cela. Donc la personne demande tout cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est sans aucun doute l'une des choses et l'un des besoins les plus importants que le serviteur recherche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Car c'est une chose qui mènera à ce que le serviteur obtienne dans ce bas monde le bonheur et la réussite, et dans l'au-delà, la réussite et les récompenses accordées par Allah subhanahu wa ta'ala. Fastahduni ahdikum. Demandez-moi de vous guider et je vous guiderai. Demandez-moi de vous montrer le chemin de la droiture et je vous y amènerai. Et parmi les masaïl de ce hadith, nous avons l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne tous les péchés à quiconque qui se repent sincèrement vers lui subhanahu wa ta'ala et qui lui demande pardon. Dans sa parole, Fastaghfiruni aghfir lakum. Demandez-moi pardon, je vous pardonnerai. Donc, une demande de pardon qui, en plus de permettre au serviteur de voir ses péchés effacés, pardonnés, est une cause pour l'obtention de la subsistance, des biens et des enfants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de Nuh alayhi salam, qui a dit à son peuple, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après les sens du verset, et je leur ai dit, demandez pardon à votre Seigneur, il est certes grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Sourate Nour. Donc, nous tirons de cela l'importance pour le musulman d'être constant dans la demande de pardon, l'istighfar. Une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, et un acte qui était l'habitude de son messager sallallahu alayhi wa sallam, Imam al-Muttaqin, qui est le guide des pieux sallallahu alayhi wa sallam, au sujet duquel il a été rapporté qu'il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala dans une assise 70 fois, et dans certains hadiths 100 fois par jour, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons aussi dans ce hadith la parfaite richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait qu'il soit le riche qui possède la richesse absolue subhanahu wa ta'ala, et qu'il soit subhanahu wa ta'ala au-dessus de recevoir une nuisance quelconque ou un profit quelconque provenant de ses créatures et de ses serviteurs subhanahu wa ta'ala, mais qu'il est au contraire le riche al-Ghani, le souverain al-Malik, dont la richesse ne diminue aucunement par la grande quantité des dons qu'il accorde à ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. Cela comme il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset: Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô gens, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Sourate Fatir, verset 51. Donc, un point et une connaissance qui, sans aucun doute, pousse le serviteur à multiplier ses demandes et invocations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wasir, Al-Alim, le large, le parfait connaisseur subhanahu wa ta'ala, qui est le riche, qui est le large dans ses dons subhanahu wa ta'ala. Et cela pousse aussi le serviteur donc à se détourner de l'accrochement des créatures, qui sont toutes indigentes et dans le besoin de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô gens, vous êtes les indigents et ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est égal pour tout le monde, le riche, le pauvre. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange, subhanahu wa ta'ala. Tout comme nous tirons de ce hadith l'incitation à ce que le serviteur fasse ses comptes avant qu'il ne soit trop tard, en prenant garde aux actes de désobéissance et en accourant à accomplir les œuvres de bien. Car tout cela lui est inscrit. Tout cela lui est inscrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne sera rétribué que par ce qu'il aura lui-même commis comme bien ou comme mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: Kullu nafsim bima kasabat rahina. Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala: Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Mais l'homme sera un témoin perspicace contre sa propre personne, et quand bien même il présentera ses excuses. Surat al-Qiyamah, versets 14 et 15. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ. Et c'est avec l'aide d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, que s'obtient la réussite, et c'est à lui seul, subhanahu wa ta'ala, que nous demandons l'aide. Puis l'auteur, rahimahullah, nous dit le 25e hadith, d'après Abu Dharrin aussi: des gens parmi les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam ont dit: ô envoyé d'Allah, les gens les plus riches ont accaparé les récompenses. Ils prient comme nous, jeûnent comme nous. De plus, ils font l'aumône avec le surplus de leur richesse. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: Allah ne vous a-t-il pas donné de quoi faire l'aumône? Dire subhanallah est une aumône. Allahu Akbar est une aumône. Et de même, Alhamdulillahi, la ilaha illallah sont des aumônes. Chaque fois que vous ordonnez le bien, c'est une aumône. Et chaque fois que vous défendez le mal, c'est une aumône. Chaque fois que vous avez des rapports, vous faites une aumône. Ils s'écrièrent alors: comment chacun de nous satisfera ses appétits charnels et mériterait par là une rétribution? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: voyez-vous, celui qui assouvit ses appétits de façon illicite, ne se charge-t-il pas d'un péché? De même, celui qui les satisfait de façon licite obtient une rétribution. Rapporté par Muslim. Ce hadith contient plusieurs masaïls. Parmi ceux-là, premièrement, Hirsus Sahaba, l'engouement des compagnons radiallahu anhu, quant à l'accomplissement des œuvres pieuses et la concurrence dans cela. Car comme nous le voyons dans le hadith, ils n'ont pas cherché à concurrencer les plus riches dans les biens de ce bas monde, mais dans ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ce qui fait partie des actes de bien. Donc cela montre les mérites qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'accourement qu'ils avaient et l'engouement qu'ils avaient, radiallahu anhu, dans l'accomplissement des œuvres de bien. Parmi ces masaïl, nous avons le fait de savoir que l'aumône as-sadaqa ne se résume pas à celle faite par les biens, par l'argent, mais elle englobe plus que cela. Comme dans le hadith cité, le fait d'ordonner le bien, al-amru bil ma'ruf, d'interdire le mal, an-nahy anil munkar, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, donc cela incite le musulman à multiplier les invocations et les évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, al-takbir, le fait de dire Allahu akbar, al-tasbih, le fait de dire subhanallah et autres formes d'évocation. Tout comme le fait de rencontrer son frère avec un visage souriant, le fait de préserver les gens de son mal, le fait d'aider autrui, tout cela fait partie des sadaqas, des aumônes que le musulman fait pour sa personne et pour autrui. Nous tirons aussi du hadith que les sadaqas sont de deux types. Celles qui vont être qasira, dont la personne seule va tirer profit, comme le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le tasbih, le takbir, le tahlil et autres, et celles qui vont être muta'addiya, c'est-à-dire que la personne aura un profit grâce à cette aumône, et autre que lui tirera profit, comme le fait de dépenser des biens, comme le fait d'aider autrui, comme le fait d'ordonner le bien, ou bien d'interdire le mal. De manière générale, le musulman s'efforce d'accomplir les actes qui vont être muta'addiya, à travers lesquels il aura lui-même des récompenses, et il pourra être profitable au reste des créatures. Comme il a été cité dans certains athars, les serviteurs les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui sont les plus profitables pour ces créatures. Puis nous avons parmi les masaïl du hadith l'incitation du musulman lorsqu'il est dans l'incapacité d'accomplir un acte de bien de multiplier et de faire en grande quantité l'acte qu'il est capable d'accomplir. Donc dans ce hadith, ses compagnons ont informé le messager sallallahu alayhi wa sallam que les gens les plus riches avaient les moyens de dépenser, de faire des actes, des sadaqat, des aumônes en plus avec leurs biens, mais que eux ne sont pas capables de cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a alors enjoints de faire ce qu'ils sont capables de faire. Donc ici, at-tahlil, at-takbir et les autres actes cités dans le hadith. Donc le musulman, lorsqu'il voit qu'il a du mal, ou bien qu'il est incapable de faire un acte de bien qu'autrui peut faire, alors qu'il profite et qu'il accourt à accomplir en grande quantité ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis d'accomplir. Puis nous avons parmi les masaïl du hadith de savoir qu'avec une bonne intention, le musulman obtient des récompenses même dans l'assouvissement de ses plaisirs. Comme le fait d'avoir des rapports avec son épouse, comme dans le hadith, ou bien le fait même de manger et de se nourrir. Car avec une bonne intention, comme le fait de se renforcer pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui être reconnaissant, alors le croyant obtient des récompenses par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les masaïl du hadith, c'est le fait de savoir que les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam ne laissaient pas une chose qui leur posait un problème sans demander au messager sallallahu alayhi wa sallam à son sujet. Donc ils questionnaient le messager sallallahu alayhi wa sallam au sujet des points sur lesquels ils avaient un souci ou les points qui avaient besoin d'être éclaircis. Comme dans le hadith, donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que la personne qui avait des rapports aurait aussi des récompenses, donc ils s'écrièrent et demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment est-ce que cela aurait pu être possible. Il leur a répondu sallallahu alayhi wa sallam que celui qui fait cela dans l'illicite a un péché. Alors, de même, celui qui fait cela de manière licite aura une récompense. Et le noble savant, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, nous dit à ce sujet. Et de ce fait, nous savons que toutes les choses dont les compagnons n'ont pas questionné à leur sujet, et que l'on pourrait penser que ces choses font partie de la religion, alors le fait de demander à leur sujet est une innovation. Car si elles auraient fait partie de la religion, alors Allah aurait décrété une personne pour demander à leur propos afin que cela soit clair. Donc le fait que les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam n'aient pas questionné à propos de ces sujets nous montre que cela ne fait pas partie de la religion et que le fait de questionner à propos de cela est une innovation. Comme cela a été rapporté de l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'il a été questionné à propos de l'istiwa, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit établi sur son trône. Comment est-ce qu'Allah s'est établi? Il a répondu sa parole connue, rahimahullah, al-istiwa ou ma'loum. Donc le fait de s'établir est une chose qui est connue en langue arabe, le sens est clair. Wal-imanu bihi wajib, et le fait d'y croire est obligatoire. Wa-su'alu anhu bid'a, et le fait de demander à propos du comment est une innovation. Cela car, comme l'a cité ici le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, le fait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aient pas questionné à ce sujet, alors que nous savons qu'ils accourent à questionner le messager sallallahu alayhi wa sallam à propos des sujets qui ont besoin d'être éclaircis, donc le fait que les compagnons n'aient pas questionné à propos de cela nous montre que cela, que le fait de demander à travers cela est une innovation et que cela ne fait pas partie de la religion. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يكون ما سمعنا حجة لنا ولا علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يقي سيئها إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.